Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 31. De l'unité et de la pluralité en Dieu. Il y a trinité en Dieu, emploi des mots, autre, seul. 1. Y a-t-il trinité en Dieu? Le symbole de saint Athénas porte, on doit adorer l'unité dans la trinité, et la trinité dans l'unité. Le mot trinité, dans la nature divine, sert à exprimer le nombre déterminé des personnes. De même que l'on peut dire qu'il y a en elle pluralité de personnes, on peut dire aussi qu'il y a en Dieu trinité de personnes. Ce que la pluralité signifie d'une manière indéterminée, le mot trinité l'exprime dans un sens déterminé, il convient donc de l'appliquer à Dieu. Note. Le mot trinité veut dire, d'après son étymologie, une essence dans trois personnes, trium unitas, l'unité des trois, mais, suivant la signification déterminée par l'usage, on l'emploie pour désigner surtout le nombre des personnes qui existent dans la même nature. Fin de la note. 2. Le Fils est-il autre que le Père? Écoutons l'évêque d'Hippone, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une seule et même essence, essentiellement donc le Père n'est pas un autre être, le Fils un autre être, le Saint-Esprit un autre être, mais, personnellement, le Père est autre, le Fils est autre, le Saint-Esprit est autre. Confère, Dogme de la Trinité, Unité de Substance Livre 7. Pris au masculin ou au féminin, le mot autre ne signifie qu'une distinction de suppos. C'est pourquoi nous pouvons le conserver sans crainte d'erreur et dire que le Fils est autre que le Père, pour marquer qu'il est un autre suppos de la divinité, une autre hypostase, une autre personne. Nous ne disons pas que le Fils est différent du Père, ni qu'il a avec lui quelque dissemblance, mais, comme la distinction se rapporte aux personnes et non à l'essence, on dit très bien que le Père est autre, alius, que le Fils, quoique l'on ne puisse pas dire qu'il soit un autre être, aliud. Note. Il est facile de tomber dans l'erreur par le mauvais emploi des termes, aussi ne doit-on parler de la Trinité qu'avec la plus grande réserve. Dans aucune question, dit saint Augustin, les méprises ne sont plus dangereuses, les recherches plus difficiles et les découvertes plus profitables. Il faut éviter tout à la fois, d'une part, l'erreur d'Arius, qui supposait avec la trinité des personnes une trinité de substance, de l'autre part, l'erreur de Sabellius, qui professait l'unité de personnes avec l'unité d'essence. Contrarius, nous conservons le mot distinction, mais nous écartons soigneusement les mots différence et diversité, séparation et division, dissemblable et étranger. Contre Sabellius, nous rejetons toute expression tendant à faire de Dieu un être singulier et solitaire. Fin de la note. 3. La particule seule peut-elle être jointe à un mot signifiant l'essence? Oui. Pourvu qu'elle ne tende point à effacer la distinction des personnes, ni à faire de Dieu un être solitaire. Ainsi, par exemple, dans cette phrase, Dieu seul est éternel, le mot seul est bien employé, parce qu'il n'a pour but que d'exclure les autres êtres de la participation aux attributs divins. Il est clair que nul autre être ne saurait revendiquer le qualificatif éternel. Dieu seul crée est encore une proposition vraie, pour la même raison. 4. La particule seule peut-elle être jointe à un mot signifiant la personne? Non, quand on parle d'un attribut comme un autre trois personnes, on ne dira pas, Par exemple, le Père seul crée, ni, le Père seul est Dieu. Il faut donc employer le mot seul avec réserve, et l'interpréter selon la foi quand on le rencontre dans l'Écriture sainte. Il est tel cas où il peut se rapporter à la Trinité entière, ou à une seule personne sans exclusion des deux autres qui partagent la même nature. Ainsi, quand le Sauveur a dit, en s'adressant à son Père, « Ceci est la vie éternelle, qu'il vous connaisse, vous, seul vrai Dieu », Jean 17, 3, il parlait de toute la Trinité, et, s'il paraissait s'adresser spécialement à la première personne, il n'excluait, vu l'unité de la nature divine, ni la seconde, ni la troisième. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.